Je ne peux pas parler maintenant. Chut. Silence. Dis-moi vite. Je suis à la bibliothèque. Waouh. Chut. Je vais être père. Oh. Oh.